Et vous avez appris la broderie comment? Ici, par une de ses cousines. Ah oui, d'accord. Oui. Et vous avez commencé aussi très jeune? Oh, à quel âge? Oui, mais moi je ne suis pas de Mirecourt. Ah, vous n'êtes pas de Mirecourt? Moi j'habitais le village. Le village? Au village, à Bracourt. Ah, voilà. 6 kilomètres d'ici. Mm-hmm. Alors, je faisais des pains comme ça l'hiver, et puis l'été j'allais dans les champs. Mais qu'est-ce que ça veut dire faire des pains? Vous les enfiliez? Vous... On les travaillait sur le métier, Sur le métier. Vous n'avez jamais eu en faire? Non.